Auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, François, calendrier des esclavages et des libérations. Alors ce soir, le programme, ce sera bien Le Média. Hein. Le Média, cette chaîne de télévision qui est à peu près seule à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le Média, donc une chaîne de télé que vous pouvez prendre sur le net. Hein. Le Média, ce policier provoque Castaner en duel. Ah, ah, ah. Un policier qui provoque Castaner en duel. Affaire à suivre. L'Espagne sous la dictature de Franco. Eh oui, des dictatures, il y en a déjà eu. Ben oui. Et puis alors, Franco, c'est peut-être un des plus beaux fleurons de la dictature. Hein, c'est un exemple pour certains. Ah oui, Franco. Oh là là. Franco, il a une... Il a une tombe gigantesque avec une croix de je sais pas combien de mètres de haut, peut-être bien 50 ou 60 mètres ou peut-être davantage de haut. Je ne comprends pas que les républicains n'aient pas encore pensé à la dynamiter cette croix et à jeter les restes de Franco aux requins, hein, parce qu'il faut effacer les traces du passage sur Terre de ce genre d'individu. Et de tous ses disciples, parce que il y a eu des gens qui l'ont suivi, Franco, quand même. Ah bah oui, il n'a pas fait tout ce qu'il a fait, toutes les saloperies qu'il a faites, sa dictature, elle n'a pas pu se faire tout seul. Hein, il a fallu qu'il ait des aides, bien sûr. Hein, voilà. Alors, ensuite, bah, les privatisations. Privatisation des barrages électriques, privatisation du rail. Le Média, encore, le Média. Eh oui, le Média, c'est bien. Ils disent la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, eux. Le CETA adopté, la Macronie se fout de la planète. Ah oui. Le CETA adopté, la Macronie se fout de la planète et de nous. Par conséquent, puisque nous sommes tous des habitants de la planète. Et les conséquences très graves, peut-être négatives, dramatiques, sans doute dramatiques, de ce vote du CETA. Repérez bien si vous avez un député macronien qui a voté pour le CETA. Le jour où ça deviendra vraiment tragique, vraiment grave, vous saurez à qui vous en prendre. Eh oui, faudra bien se venger, faudra bien faire justice quand même un jour. International communiste version française, c'est une chanson. Mélenchon devant le mur de Trump, c'est ce mur-là, c'est le signe de la fin de l'Empire. L'Empire des États-Unis, les États-Unis qui ont régné sur le monde pendant 70 ans, 80, eh bien, ils arrivent progressivement à la fin de leur règne. Alors, par qui vont-ils être remplacés? Ben, peut-être que la Chine va jouer un rôle important. Alors, espérons qu'elle va jouer un rôle positif. Espérons. Hein. Alors, ensuite, bien, un petit retour sur le passé. Nixon, Watergate. Hein, ben oui. Et puis, dans la suite de Nixon du Watergate, Benalla de Rugy, c'est en France, hein, bah oui, ben c'est du Watergate façon française, voilà. Et puis, la revue de presse, hein, et puis, ben voilà, hein, je vous souhaite une bonne soirée, et puis une bonne nuit ensuite. Le calendrier des esclavages et des libérations, nous sommes le 5 août, hier, c'était la nuit du 4 août. L'abolition des privilèges, eh oui, 4 août 1789, les députés, tous ordres confondus, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et le tiers-état, sous la poussée du tiers-état, bien sûr, en plus ces décisions-là, d'abolir les privilèges. Hein? Eh oui, voilà. Bon, c'était il y a longtemps. Hein? Ah oui, la France de Macron n'a plus rien à voir avec cette histoire d'abolition des privilèges. Où irait-on? Alors, nous sommes le 5 août 1842 en Grande-Bretagne. Les ouvriers d'Alstom donnent le coup d'envoi d'une grève qui va faire tache d'huile. Ils inspectent les usines, font la chasse aux jaunes. La chasse aux jaunes, c'était pas les gilets jaunes, hein. C'était les jaunes, c'était bon, voilà. Les traîtres, quoi, à la classe ouvrière. La chasse aux jaunes se défendent à coups de pierre contre l'armée qui tire sur eux. L'armée tire avec des fusils, bien sûr. Eux, ils veulent juste un petit peu effrayer ceux d'en face. L'armée, elle tire pour tuer et pour blesser. 1848, Irlande. Le mouvement national de la jeune Irlande de Mitchell et Smith est écrasé. Écrasé. 1895, Grande-Bretagne. À Londres, mort de Friedrich Engels. 1820-1895. Philosophe, ami et collaborateur de Karl Marx. 1911, Grande-Bretagne. Grève de 1200 ouvriers des chemins de fer du Yorkshire et du Lancashire à Liverpool. D'autres cheminots, notamment de Londres et du Nord-Ouest, se joignent à eux malgré l'appel à la conciliation des responsables syndicaux. 1929, Grande-Bretagne encore. Décidément, des lois apportent aux travailleurs une sérieuse garantie contre le risque de maladie et de la vieillesse. 1935, France. Les ouvriers des arsenaux de Brest et de Toulon manifestent à cause de la politique d'austérité de Laval. La paye a été diminuée de 10%. 1935, Laval. Il commençait déjà à se faire connaître bien mal, ce personnage de Laval. 1940, Lettonie. Le pays devient la Latviskaya. C'est-à-dire, ce n'est plus un nom lettonien, mais c'est un nom russe. C'est devenu une province russe, la Lettonie, pour l'instant. 1950, enfin pour quelques années. 1955, Japon. À Hiroshima, congrès international sur l'interdiction des bombes A et des bombes H en 1955. Donc, au Japon, on avait fait à Hiroshima, ben oui, pas n'importe où, un congrès international sur l'interdiction des bombes A et des bombes H, des bombes atomiques et des bombes à hydrogène. 1960, Haute-Volta, le pays accède à l'indépendance. 1963, URSS, le traité de Moscou interdit les essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau. La France et la Chine ne signent pas. La France et la Chine ne signent pas. 1978, Nicaragua. Environ 30 000 personnes fêtent le retour au Nicaragua des 12 qui avaient pris ouvertement position contre la dictature, avaient été obligés de fuir le pays. Dictature, dictature, dictature. Un mot qui revient très souvent dans l'histoire, et de plus en plus souvent ces temps, si vous remarquez. 1981, USA. Les 12 000 contrôleurs aériens en grève sont licenciés par le président Reagan suite à l'expiration de l'ultimatum qui leur avait été adressé. Alors, en bas de la page, il y a 2 lignes. Pas de nouvelles armes nucléaires avant d'avoir épuisé toutes les anciennes. Inscription relevée sur l'autoroute de Francfort. Francfort. Hein? Thank you. Donc, Monsieur Castaner, vous venez de médailler 5 de mes collègues qui sont sous le coup d'enquête. Donc, on verra bien ce que donnent les enquêtes. Mais en attendant, il aurait été de bon goût de suspendre les médailles. Ils sont dans l'affaire de Steve Anand, ils sont dans l'affaire de Madame Le Guay, ils sont dans l'affaire de Zineb Redouane. Et le temps que la lumière se fasse, il aurait été de bon goût de ne pas les médailler. Et moi, à côté de ça, je suis poursuivi comme le vilain petit canard de l'équipe pour avoir juste tenu des propos en usant de ma liberté d'expression pour dénoncer des dysfonctionnements dans le but d'améliorer la police nationale pour qu'elle revienne au service du peuple. Donc, monsieur le ministre, on ne peut plus tout mettre sous le tapis, on ne peut plus tout cacher. C'est pour ça que je vous demande un débat public. Pour le moment, tout le monde est d'accord pour que ça s'organise. Il manque une seule réponse, la vôtre. Auriez-vous le courage de le faire ou pas? Ou alors allez-vous rester caché et rester dans de la propagande plutôt que dans du débat? Monsieur Castaner vient de faire une promotion de médaille de la sécurité intérieure, dite promotion gilet jaune. Plusieurs milliers de collègues ont été médaillés. Malheureusement, cette promotion est polémique et entachée un petit peu de choses assez honteuses, car des collègues qui sont sous le coup d'enquête assez graves sur la charge contre Madame Le Guay, ce qui s'est passé à Nantes avec Steve qui a disparu, font partie des gens qui sont médaillés. À côté de ça, on a des collègues qui ont fait le travail en conscience et comme ils pouvaient avec les moyens et les ordres qu'on leur donnait, qui ne seront pas médaillés. Pendant ce temps-là, M. Castaner ne paye toujours pas nos heures supplémentaires, nous donne des cycles de travail complètement absurdes, par exemple, et même il va au-delà de ça, c'est que là, il y a un cycle de travail qui est en cours de proposition, on devrait travailler 12h08 par jour, plus les temps de transport, on est quasiment à des journées de 15h, donc à un moment où on est armé, ça va être compliqué, et la motivation est, bon, ça va nous coûter moins cher, et en plus, comme sur le mouvement des Gilets jaunes, vous avez travaillé entre 14 et 20 heures par vacation, vous êtes capable de le faire, donc nous, on va pouvoir faire des économies. Avec tout ça, on aboutit sur une situation catastrophique humaine dans la police nationale. Depuis que M. Castaner a pris ses fonctions en tant que ministre de l'Intérieur, nous avons 50 de nos collègues qui se sont donné la mort, plus de 10 fois plus que les délinquants et les criminels qui tuent les policiers. Et depuis que M. le directeur général de la police nationale a pris ses fonctions, M. Morvan, nous sommes à 90 collègues qui se sont suicidés. Pour donner un ordre de grandeur, à France Télécom, où toute la direction est passée en correctionnel, ils ont eu 19 suicides malheureusement réussis en 2 ans. Chez nous, c'est 90 en 2 ans. D'un côté, il y avait 190 000 personnes à France Télécom, nous sommes 160 000 au niveau de la police nationale. Mais on est en train de crever tous les plafonds et monsieur le ministre reste dans le déni le plus total. Il est dans le déni pour les suicides, il est dans le déni pour les violences qui peuvent être commises à l'égard des manifestants. Tout ça, ça amène à des situations aberrantes que plus personne comprend et plus personne s'y retrouve. Ça arrive à tel point que même il y a Steve qui a disparu depuis maintenant plusieurs semaines. Personne ne se pose la question de savoir où il est. Et on fait le parallèle un petit peu avec notre collègue qui s'est noyé dans la Seine début janvier 2018. La préfecture de police avait fait le choix de ne pas retrouver rapidement son corps, car il y avait un matériel défectueux et si on retrouvait le corps, on aurait vu les vis et les fautes de la préfecture de police. Donc qu'est-ce qu'ils veulent cacher sur le corps de Steve, on ne sait pas, mais à côté de ça, il y a une famille derrière, des amis, tout le monde voudrait le retrouver. Et en ce moment, en plus, au mois de juillet, donc 18 juillet, c'est le moment de la révélation de l'affaire Benalla, pas le moment de ses actes, mais de la révélation dans les médias, parce que bien évidemment, ce gouvernement tait les choses, en espérant que ça ne se sache pas. Donc on avait parlé de violence policière dans les médias, alors que c'était une violence élyséenne. Aujourd'hui, M. Benalla est toujours dans la nature, on peut suivre sa vie, sa nouvelle vie, son entreprise, on a l'impression que c'est une carrière réussie. Malheureusement, ce monsieur a usurpé les qualités de policier, a fait du tort à la police nationale, a molesté des manifestants de façon complètement illégitime, quel que soit ce qu'ils aient fait, ce n'est pas son rôle d'intervenir à la place de la police, et aujourd'hui, toujours protégé par l'Élysée. À côté de ça, nous avons également des syndicats comme Unité SGP, qui, un de leurs délégués, avait déclaré sur une chaîne à heure de grande écoute, « Bamboula, c'est convenable ». Parce que les mots « bamboula », d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Ce monsieur est toujours dans la police, n'a eu aucune sanction, alors que dans le code pénal, c'est un acte raciste. Même chose, nous avons le secrétaire général d'Unité SGP qui a dit « quand quelqu'un a ramassé une grenade, il a eu la main arrachée, il a dit « bien fait pour sa gueule ». Il se penche et récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Alors effectivement, c'est malheureux, c'est pas une bonne idée de ramasser une grenade. De là, se réjouir qu'il ait perdu sa main, il y a quand même une grande différence. Nous sommes là pour protéger les gens. Après, si les gens font des erreurs, c'est malheureux pour eux, mais se réjouir de leur malheur est quand même abject. À côté de ça, j'ai cherché à débattre avec M. Castaner, on s'est lancé des alertes. M. Castaner a toujours refusé le débat, s'est toujours caché derrière ses gardes du corps. Et à côté de ça, je suis sanctionné donc de 12 mois d'exclusion temporaire de fonction à cause de ma liberté de parole syndicale pour améliorer les choses. Parce qu'a priori, je n'ai rien contre M. Castaner personnellement, j'ai quelque chose contre M. Castaner en tant que ministre de l'Intérieur et ses actions, parce que c'est intolérable d'avoir une personne comme ça à la tête de la police nationale. Donc voilà, il y a deux poids, deux mesures. En France, les gens qui essayent de défendre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, sont persécutés par ce gouvernement. À côté de ça, des gens qui commettent des infractions qui sont contraires, complètes aux valeurs que nous défendons, ils sont encensés ou protégés. Donc, M. Castaner, vous encensez et protégez des personnes qui font des infractions au code pénal, et à côté de ça, vous me sanctionnez

tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, mais la mafia, elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourriche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia, se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue Seine, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-mûches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup comme si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Et dans ce contexte, une autre privatisation ne passe pas auprès de certains députés, celle des barrages hydroélectriques français. 107 élus de l'opposition refusent la mise en concurrence de 150 des 400 concessions hydroélectriques de l'Hexagone. Une exigence de la Commission européenne vieille de 10 ans. Le 7 mars dernier, Bruxelles a sommé le gouvernement français de lui fournir un calendrier précis dans ce sens. Hier, ses parlementaires ont présenté à l'Assemblée une proposition de résolution européenne pour demander au gouvernement de s'y opposer, parmi eux l'ex-ministre de l'écologie, Delphine Batou. On l'écoute. Il y a un enjeu de souveraineté nationale, il y a un enjeu écologique, puisque l'hydroélectricité est la première source d'électricité renouvelable de France, et que c'est un patrimoine qui appartient à tous les Français, sur lequel depuis des années et des années, effectivement, un certain nombre de lobbies veulent faire main basse, parce qu'ils veulent faire main basse sur la rente hydraulique, c'est-à-dire le fait que c'est la production d'électricité la moins chère de France. Et donc ce que l'on peut redouter, c'est comme avec la privatisation des autoroutes, c'est qu'il y ait de lourdes conséquences pour nos concitoyens d'un processus d'ouverture à la concurrence qui est autrement dit un processus de privatisation. Il n'y a ni obligation, ni fatalité à ce que l'on entérine, on se résigne la perte de souveraineté que représente l'abandon des barrages hydroélectriques et leur ouverture à la concurrence. Au Royaume-Uni, on va y rester. C'est là que nous emmène notre focus ce matin. Le gouvernement français, on l'a dit, avec Lynn, veut ouvrir la SNCF à la concurrence. Au Royaume-Uni, c'est chose faite depuis 25 ans. Alors le rail britannique est-il un exemple à suivre ? Élément de réponse avec ce reportage signé Jonathan Walsh chez Axi Meyers. Habiter au bord de la mer et travailler à Londres, à une heure de train à peine. De nombreux Anglais ont cédé à la tentation, avant de s'en mordre les doigts. La ligne qui relie Brighton et Hove à la capitale est devenue un cauchemar pour les voyageurs. Voici mon pass annuel, il coûte plus de 4 500 €. Ça représente 8% de mon salaire. Il me permet d'aller de Hove à Londres, mais pas de prendre le métro dans la capitale. Quand je dis à mes amis et à ma famille combien je paye, ils ne me croient pas. C'est de l'extorsion pure et simple. Un prix exorbitant et rarement un siège de libre, mais aussi des grèves à répétition ces dernières années et des retards quasi quotidiens. J'ai embauché des gens qui vivent le long de cette ligne et ils ne peuvent plus se permettre d'aller au travail. Ou alors ils sont tellement stressés qu'ils ne veulent plus travailler à Londres. Détenue par la société Govia, cette ligne a été élue la pire de toute la Grande-Bretagne par les usagers. Certains ont même mis leur frustration en musique. Imagine there's no southern. Yes, please. It's easy if you try. Shame on Govia. I'm late home from work again. Ce cas est loin d'être isolé. Dans les années 90, le gouvernement avait privatisé le rail en promettant un service plus efficace et moins coûteux. Aujourd'hui, les trains britanniques sont les deuxièmes plus chers d'Europe après la Suisse. Et 60% de la population souhaite une renationalisation. Avant la privatisation, dans les années 70 et 80, je me rappelle qu'à Manchester, où j'ai grandi, les trains étaient toujours à l'heure et les billets étaient très bon marché. Les trains rapportent tellement d'argent, de l'argent qui pourrait servir à améliorer le service. Je ne vois pas comment ça pourrait être une mauvaise idée. Autre sujet de colère chez les usagers, la mainmise étrangère sur les lignes du pays. 25 ans après la disparition de la société publique British Rail. La plupart des opérateurs, une vingtaine en tout, sont détenus par des entreprises publiques étrangères. La SNCF ou Deutsche Bahn, par exemple. On a donc cette situation très étrange avec nos trains opérés par des compagnies nationales étrangères alors que le gouvernement britannique n'a pas le droit de faire la même chose. Les opérateurs ont décliné nos demandes d'interview. Aujourd'hui, un interlocuteur unique est chargé de défendre l'industrie du rail privatisé. C'est un mythe, ces actionnaires qui engrangeraient des profits faramineux. Et puis les opérateurs prennent un risque énorme en gérant ces lignes. Ils n'ont aucune garantie de retour sur investissement. Certains dénoncent pourtant l'attitude trop conciliante du gouvernement, chargé de faire payer aux opérateurs le droit de faire circuler leurs trains. Les entreprises Stagecoach et Virgin devaient gérer la ligne parcourant la côte Est jusqu'en 2023. Elles s'étaient engagées à payer 3,7 milliards d'euros, mais elles ont jugé que l'investissement n'était pas assez rentable et l'État a libéré les deux sociétés de leurs obligations. Inacceptable pour cet ancien ministre des Transports. C'est un consortium privé entre Virgin et Stagecoach, deux des entreprises les plus riches du monde. Elles ont échoué dans leur gestion de la ligne la plus prestigieuse du pays qui relie Londres et Édimbourg. Et l'État vient à la rescousse de ces deux entreprises privées malgré leurs échecs. Conformément aux directives européennes, la France s'apprête à ouvrir le transport ferroviaire à la concurrence. Pour Andrew Adonis, elle ne doit pas commettre les mêmes erreurs que la Grande-Bretagne. Mon conseil au président Macron concernant le rail français est le suivant. Dites oui à la compétition, mais n'affaiblissez pas la SNCF. Le gouvernement français a promis de ne pas privatiser la SNCF. Les syndicats, eux, disent s'inquiéter d'un scénario à la britannique et d'une disparition totale du service public. Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu. Qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou.

et du système que les États-Unis d'Amérique ont étendu au monde entier. Car nous savons que le problème de la migration devra être traité dans l'avenir d'une manière totalement différente. Nous autres, les Européens, nous sommes une sorte de forteresse, nous ne le savons pas toujours, mais il n'y a que 17% des migrations du monde qui se font vers l'Europe. En réalité, la plupart se font entre les pays, entre pays voisins et en général dans ce qu'on appelle le Sud. Par conséquent, il n'y a pas d'autre politique rationnelle que de vouloir le développement qui permet aux gens de rester chez eux. Ça n'a, n'importe quoi d'autre n'a pas de sens. Ni dire, viens qui veut, parce que de toute façon, ce ne serait pas supportable pour la structure des sociétés qui seraient confrontées à un tel flux. Ni non plus dire, on rejette à la mer, ou je ne sais pas quoi, ici, ils les jettent à quoi, les gens qui viennent. Il faut avoir une gestion globale du problème qui nous est posé, et qui commence par le développement des pays desquels les gens s'enfuient. Ici, les gens qui veulent passer à toute force sont pour l'essentiel des gens qui viennent du centre de l'Amérique, c'est-à-dire des endroits les plus sinistrés par les politiques néolibérales. Il n'y a pas d'autre origine que politique et politique économique à la sortie de tous ces gens. Va s'y ajouter les conséquences du changement climatique. On parle de 250 millions de personnes qui seront condamnées à se mettre en mouvement. Par conséquent, si on ne part pas de l'idée que d'abord on doit faire ce qu'il faut pour que les gens puissent rester là où ils sont, quand bien même il y a changement climatique, quand bien même les endroits dans lesquels ils sont ne sont plus aussi accueillants qu'ils ont pu l'être, si on ne part pas de ça, eh bien on arrive à une absurdité, c'est-à-dire l'idée qu'on va empêcher des flux de population par des murs, des barbelés et des méthodes de cette nature. Donc pour moi, ce moment est extrêmement important, émouvant, symbolique, parce que quand je suis à Marseille et que je montre la mer dans laquelle se trouvent 35 000 personnes noyées depuis 10 ans, cette mer où 6 personnes par jour se noient alors qu'ils tentent de migrer, je trouve que souvent, le fossé qui est devenu la mer Méditerranée, le cimetière qu'elle est devenue, finit par être presque moins parlant que l'est ce mur abject avec ses barbelés, ses rasoirs et ces traitements brutaux d'un et l'autre côté de la frontière avec détention des enfants, des mois durant. Par exemple, de ce côté-là-bas, aux États-Unis d'Amérique, il y a des gosses qui n'ont pas vu leurs parents et qui sont enfermés depuis plus d'un an. Eh bien, toute cette misère, toute cette cruauté ne résulte pas d'une fatalité. Elle résulte d'une addition de choix politiques aberrants et d'une manière stupide et de traiter le problème de la migration. C'est au point qu'ici, on finit par penser que les États-Unis d'Amérique, en réalité, n'ont pas de politique migratoire, parce que c'est un pays qui s'est nourri de migration pendant des décennies et des décennies. Et aujourd'hui, Donald Trump change de normes, change de politique, si on peut dire, quasiment tous les 8 jours, si bien que personne ne peut s'y adapter, ni les gouvernements des pays autour, ni évidemment les pauvres migrants qui chercheraient éventuellement à trouver une voie de passage légale et dans les normes prévues par les États-Unis d'Amérique. En tout cas, pour que vous compreniez la nature de la relation frontalière entre États-Unis et le Mexique. Il y a, tenez-vous bien, 1 million de personnes qui passent la frontière légalement. C'est pour ça qu'on sait combien ils sont, avec des papiers, des documents. 1 million de personnes par jour. Tellement les deux économies, les deux mondes sont emboîtés. Notamment parce que la partie voisine ici du Mexique est une partie qui autrefois était mexicaine. L'État du Texas, l'État de Utah, l'État de Californie étaient des États fédérés avec le Mexique, dont les États-Unis d'Amérique se sont emparés par ruse et cautèle et violence. Voilà. Et par conséquent, les liens sont permanents. Il y a des gens qui ont de la famille de l'autre côté, certains étudient d'un côté puis viennent de l'autre. 1 million de personnes, tous les jours, passent cette frontière. C'est dire que ce n'est pas un endroit abstrait où tout d'un coup arriveraient des colonnes de migrants et qui poseraient un problème gigantesque d'organisation. Non, ce qui est un problème d'organisation, c'est la façon de traiter la migration lorsqu'elle est déclenchée par des faits politiques, comme ce fut le cas pour nous en Europe avec la guerre de Syrie, où des milliers de gens se sont mis sur les routes pour la fuir, ou ici, avec des milliers de gens qui fuient la violence au Guatemala et les autres pays qui sont là derrière, dirigés par des mafieux, qui ont souvent, eh bien évidemment, les bonnes grâces de tous les gouvernements, tandis que les gouvernements qui se soucient des gens et qui placent le soin des gens en premier plan sont toujours montrés du doigt comme d'horribles dictatures communistes, ce qu'elles ne sont pas naturellement.

paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Infrarouge, des films sans concession. Sans concession. Il est d'autant plus difficile de mesurer un seuil nocif que nous vivons dans la radioactivité naturelle depuis la nuit des temps. En Auvergne, en Bretagne, en Corse, certaines régions granitiques dégagent une radioactivité ambiante supérieure à la moyenne, sans conséquence pour la santé. Cette radioactivité-là, nous ne pouvons l'éviter. On ne sait pas ce que serait la vie en l'absence d'irradiation. Et on ne sait pas aujourd'hui soustraire un organisme humain à toute exposition d'origine naturelle. Que deviendrait-il cet organisme? On ne le sait pas, mais il n'est pas impossible d'imaginer que cela ne se passerait pas obligatoirement très bien. Nous sommes en équilibre avec cette radioactivité naturelle, même si elle n'est pas bonne pour notre santé complètement. Hein. Mais nous sommes en équilibre. Si on fait la pichenette, d'en rajouter même un petit peu, eh bien, qu'est-ce que ça a comme effet sur la santé? Et là, c'est très compliqué. Parce que nous ne sommes pas égaux devant cette pichenette. Au-delà de cette pichenette, la radioactivité peut être nocive. 2 millisieverts, c'est la dose moyenne que reçoit un individu en une année. Au-dessus de 100, les risques de cancer augmentent. Enfin, à forte dose, 1000 millisieverts et au-delà, l'issue est fatale. Un nom symbolise les effets mortels de la radioactivité sur l'homme. Tchernobyl, la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. L'accident de Tchernobyl était la combinaison d'erreurs, même de violations de consignes des opérateurs sur un réacteur qui n'était pas pardonnant. Et donc à ce moment-là, on a eu une augmentation très forte de la puissance du réacteur qui a volatilisé d'un seul coup toute l'eau. Donc il y a eu une explosion de vapeur qui a soufflé carrément tout ce qu'il y avait au-dessus du cœur. Le cœur s'est trouvé en plein air, surchauffé, il a pris feu. Et donc pendant une dizaine de jours, vous avez un incendie d'un réacteur qui était à ciel ouvert. Et donc qui a envoyé des produits radioactifs dans la stratosphère. Et ça a recouvert pratiquement toute l'Europe. Aujourd'hui, c'est Tchernobyl qui sert de maître étalon pour mesurer à court, moyen et long terme les répercussions d'un accident majeur sur la santé des populations. Car pour Fukushima, nous n'avons pas le recul nécessaire. Vous avez tout d'abord des effets qui sont précoces, qui vont survenir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et ceux-là, ce sont les plus graves. Ils ne se produisent que pour des doses très importantes. Et ils peuvent aller jusqu'à la mort. Et puis vous avez des effets qui sont plus tardifs et qui apparaissent apparemment au hasard. C'est-à-dire une personne va être touchée, une autre pas pour la même dose et on ne sait pas trop pourquoi. En France, les informations les plus contradictoires circulent à propos du nuage de Tchernobyl. La polémique dure depuis plus de 20 ans. On a bien dit à l'époque que le nuage avait survolé la France, mais qu'il n'avait provoqué aucun dépôt radioactif dangereux. On a même ensuite raconté qu'il s'était arrêté à la frontière franco-allemande. Un bobard qui restera dans l'histoire. C'est ainsi que les choses étaient présentées en 1986. tous les Français qui nous écoutent se demandent si ça va venir chez nous et si ce nuage sera très toxique. Alors si ça va venir chez nous, ça je crois qu'il faudrait demander aux spécialistes de la météo. Mais par contre, la toxicité, là, on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. Ça n'en a présenté aucun en Scandinavie. Et plus le temps passe, plus ça se disperse et ça devient totalement insignifiant. Une seule région de France a, semble-t-il, été touchée par le nuage. La Corse, où des taux de radioactivité élevés ont été enregistrés dans les mois suivant la catastrophe. Au niveau de la santé, j'ai suffisamment d'éléments, j'ai suffisamment de témoignages pour affirmer que Tchernobyl a eu un impact sur la santé en Corse. Officiellement pourtant, à l'époque, le passage du nuage sur la Corse n'a eu aucun impact sur la population. En 86, le panache radioactif qui est passé sur la Corse était très concentré. Ici, la consommation de produits à base de lait de chèvre et de brebis est très importante. Hein. Les produits laitiers étaient contaminés très au-delà des normes. Hein. Les limites réglementaires, les recommandations n'ont pas été respectées. On n'a eu aucune contre-mesure. On s'est inquiété quand on a su que les Italiens proches d'ici, l'île d'Elbe et la Toscane, eux avaient pris des contre-mesures. On a ce problème des cancers de la thyroïde de l'enfant et de l'adolescent qui est manifeste en région PACA-Corse. On a un excès de pathologies malignes survenues chez des jeunes qui sont nés au deuxième semestre 86, dont les mères ont été irradiées pendant leur grossesse en mai 86. Les cancers de la thyroïde en excès après Tchernobyl, c'est à 98% des personnes qui avaient moins de 10 ans lors de l'accident ou qui étaient in utero, c'est-à-dire dans le ventre de leur mère au moment de l'accident. Il n'y a aucune raison scientifique en France de dire aujourd'hui qu'il y a un excès de cancer dû au passage des retombées tchernobylesques, comme je les appelle, qui ont été largement mesurées, estimées, et dont on ne peut pas imaginer qu'elles entraînent des conséquences sanitaires. Elles sont dans les variations de la radioactivité naturelle. Mais c'est dans l'esprit des gens, il y a eu des excès de cancer, c'est dû à Tchernobyl, et quoi que vous leur disiez, ils ont du mal à accepter la connaissance des communautés médicales. On ne veut pas tirer les enseignements de Tchernobyl. C'est ça, il y a une entrave. Par exemple, je prendrai le cas de ce registre des cancers de la région PACA-Corse, où on a trouvé un pic de cancer de la thyroïde dans les années 92-94, ça fait un tollé. Ces chiffres ont été rectifiés par la Direction générale de la Santé et le registre a arrêté de fonctionner en 96. Pourquoi un registre ouvert en 1984 s'est arrêté en 96 après que l'on ait trouvé une anomalie? Donc il y a manifestement eu une pression du pouvoir politique pour arrêter ce registre qui détenait des informations capitales. Les populations autour des centrales nucléaires s'interrogent en permanence. On voit des enquêtes, des inquiétudes dans la population à propos des risques de leucémie, par exemple. On avait vu ça autour de l'usine de La Hague il y a une vingtaine d'années. Ces risques sanitaires ne sont pas démontrés quand on regarde de très près. Pourtant, ces inquiétudes existent parce qu'il y a le soupçon qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'exposition sans effet. Ce que nous refusons, c'est d'entendre de la part de l'industrie nucléaire un discours qui viendrait à dire « non, il n'y a pas d'effet, on en est sûr ». Ça, c'est faux. Mais on réfute autant le discours inverse qui viserait à dire « oui, telle dose de radioactivité entraîne telle maladie », parce que là encore, on ne peut pas se positionner. Donc ce que nous demandons, ce que nous appelons de nos voeux, c'est le principe de précaution. Il n'empêche, la prévention des cancers de la thyroïde est l'un des enseignements majeurs de Tchernobyl. Nous savons que si de l'iode 131 se répand dans l'atmosphère, il faut agir dans les 20 heures. On va donner de l'iode stable. Ce iode va saturer la thyroïde, si bien que quelques heures après, si nous ingérons, respirons de l'iode radioactif, il arrive sur une thyroïde qui est saturée, comme une éponge qui est bien imbibée d'eau. Vous versez de l'eau colorée dessus, vous ne la colorerez pas, elle est imbibée d'eau claire. Et donc, c'est la démarche à faire. Dans chaque famille, les gens possèdent les pastilles d'iode et puis également un petit feuillet avec les explications, donc avec s'ils entendent la sirène, ce qu'il faut faire au cas où il y a un accident grave, rester à l'abri, ne pas aller récupérer les enfants, et également écouter la radio, écouter les consignes sur la radio, et puis donc tout est prévu sur un feuillet. Mais les premiers exposés au rayonnement sont, bien sûr, les salariés des installations nucléaires. Non contaminés. Merci. Depuis 1959, date à laquelle a commencé à fonctionner la première centrale nucléaire en France, il n'y a pas eu un accident, un décès, dû à l'activité des centrales nucléaires en France. Pas un. Et il y a eu, hélas, pendant cette même période, 1200 morts dans nos mines. Il n'y a pas de source d'énergie sans aucun danger, il n'y en a pas. Mais est-ce plus ou moins dangereuse, et il est clair que la plus dangereuse est de très loin le charbon, qui tue par le grisou, par les accidents des mines, entre 1000 et 2000 personnes par an dans le monde. Vient ensuite le pétrole, vient ensuite le nucléaire, mais loin derrière. Pour les travailleurs du nucléaire, la réglementation limite la dose annuelle de radioactivité qu'ils peuvent recevoir, en bénéficiant d'un suivi médical régulier. Le principe de la radioprotection, c'est d'ailleurs une protection pour tout le monde. C'est-à-dire une parfaite connaissance de l'installation, de la centrale nucléaire, de savoir finalement là où il y a un risque d'irradiation ou là où il n'y en a pas. Et puis, par ailleurs, c'est également pouvoir réaliser des mesures en continu à l'aide de ce type d'appareil qu'on appelle des dosimètres, qui permet d'une part de savoir en continu quelle est la dose qu'il peut recevoir, et d'autre part d'avoir le même, un autre appareil identique, mais cette fois-ci nominatif, et qui permet d'avoir un suivi non seulement continu, mais personnalisé, et cela tout au long de sa carrière. Sans les protections que les gens prennent, eh bien, ils prendraient effectivement des doses importantes, parce qu'ils sont toute l'année à proximité de sources de rayonnement qui sont extrêmement importantes. Donc ces précautions sont parfaitement normales. Elles montrent que c'est un sujet avec lequel il ne faut pas plaisanter. Il y a eu deux grandes études épidémiologiques chez les travailleurs du nucléaire. Même pour ceux qui reçoivent les doses les plus importantes, ils font moins de cancers que la population générale. Mais ça peut être simplement dû au fait que quand on a un travail, on fait moins de maladies que c'est qu'on est en bonne santé, quoi, a priori. Et donc, il y a peut-être là un biais qui l'explique. En tout cas, c'est certainement une piste à creuser. C'est ce qu'on appelle l'effet du travailleur en bonne santé. C'est-à-dire que si j'ai un problème au niveau des reins, au niveau des poumons, que je me présente à l'entrée d'une installation nucléaire, on ne retiendra pas ma candidature. Parce qu'on craindra, d'avoir un risque avec moi. Donc on trouve par exemple moins de cancers dans cette population-là que dans la population moyenne de la région où il se trouve. Mais c'est dû au fait qu'il y a eu un tri sélectif sur des critères de santé. Donc on fausse la donne un petit peu. La sécurité des travailleurs et celle des populations entourant les centrales s'est améliorée au fil des ans. C'est un fait. Mais fort des enseignements de Tchernobyl et Fukushima, est-il bien raisonnable de se lancer dans la construction de nouveaux réacteurs ? On commence déjà à réfléchir, mais alors au plan international, pour dire quel est le nucléaire de la deuxième moitié du siècle, on va dire. Être capable d'utiliser l'uranium bien mieux que celui d'aujourd'hui. On rentrera, si on va dans cette direction-là, de plein pied dans la civilisation du plutonium. Donc on va au-devant de risques très importants. Le prototype de ce nucléaire du futur, l'EPR, est en cours de construction à Flamanville, dans la Manche, non loin de Cherbourg. Ce sera le plus gros réacteur du monde. Il pourrait remplacer un à un les réacteurs en service aujourd'hui. L'EPR est à la fois plus sûr, mais aussi plus dangereux. Le réacteur EPR est le premier réacteur qui a été conçu pour tirer les leçons de Tchernobyl. C'est le premier. Cet EPR qu'on construit, il a été conçu dans la fin des années 90-2000 et donc il prend dès la conception toutes les meilleures évolutions à la fois du retour d'expérience des centrales d'EDF et puis des meilleurs standards de sûreté. Les fonctions de sûreté du réacteur pour le refroidissement du réacteur sont quadruplées. Sur les réacteurs des générations précédentes, elles sont avec une simple redondance, c'est-à-dire doublées. Sur l'EPR, elles sont quadruplées. « Et si finalement toutes ces lignes de défense ont échoué, à la fin, même en cas de fusion du cœur, tout reste à l'intérieur du bâtiment réacteur dans lequel on est, pour aucune conséquence sur les populations, et c'est ça l'essentiel. La théorie, c'est que l'EPR est un réacteur a priori beaucoup plus sûr que le précédent. 10 fois plus sûr, mais beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, avec plein de redondances, de circuits complexes, etc. Autrement dit, il y a un compromis entre la complexité qu'on a rajoutée pour essayer d'être de plus en plus sûr, et le fait qu'à un moment, personne ne maîtrise plus cette complexité, personne n'y comprend plus rien. Je ne pense pas qu'on puisse parler de trop de sécurité. Je vous prends un exemple très, très concret sur l'EPR. L'EPR a été critiqué pour avoir des bâtiments diesel de secours qui sont en hauteur, qui sont imperméables et parasismiques. Bon. C'est 3 raisons, effectivement, de faire qu'ils soient plus chers. Et prenez Fukushima. Si les diesels de secours avaient été en hauteur, imperméables et parasismiques, le refroidissement, il avait lieu. Il n'y aurait jamais eu de Fukushima. L'EPR prend à la conception tous les risques, y compris les risques d'agression, qu'elles soient d'origine naturelle, comme le séisme ou l'inondation, ou humaine, comme la malveillance. Et c'est en particulier tout le système de double coque, 10 coques avions, qui ferait que tous nos systèmes résisteraient à la chute d'un avion sur l'installation. L'EPR est un gigantesque chantier qui mobilise une foule de partenaires et de sous-traitants sous la responsabilité d'EDF et d'Areva. Ce futur réacteur, qui se veut de référence, est prévu pour fonctionner durant 60 ans. Le réacteur EPR qui est en cours de construction à Flamanville est le premier réacteur construit par EDF depuis plus de 20 ans en France. Donc il est évident que EDF a à réapprendre comment construire un réacteur, et nous-mêmes, ben, nous l'avons sans doute à réapprendre la façon dont on contrôle un chantier de ce type. En effet, depuis la pose de la première pierre en 2009, les retards et les incidents se sont multipliés. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a interrompu plusieurs fois le chantier. Ferraillage de renfort du réacteur insuffisant, manque de béton à certains endroits vitaux, voire même mauvaise qualité des matériaux. L'ASN a aussi pointé du doigt des problèmes liés au choix des entreprises pour ce chantier. À l'époque, on avait un chantier avec un promoteur qui était là et qui faisait de bout en bout ce chantier. Aujourd'hui, on a une espèce de cascade de sous-traitance dans lequel on a sur le chantier actuellement entre 14 et 18 nationalités, des gens qui ne savent pas forcément exactement ce qu'ils ont à faire, des problèmes de langage et puis des problèmes technologiques. Clairement, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème de savoir-faire. Les entreprises du domaine du nucléaire en France sont allées beaucoup trop loin sur la sous-traitance et le premier risque pour nous, il est là et ça se comprend très bien. Bon, c'est certain que si vous vouliez avoir un grand chantier industriel, il faut commencer par avoir des bonnes conditions de travail pour les gens qui y participent. Résultat, la construction de l'EPR a pris 3 ans de retard et son coût a grimpé en flèche. Rappelons-nous, l'EPR, lorsqu'il est décidé, voté à l'Assemblée nationale, il est vendu pour 3 milliards. C'est ce que les députés ont pris comme décision. Et aujourd'hui, on est à 6 milliards 6 et on va probablement passer allègrement les 7 milliards. La question économique se pose de savoir si il faut poursuivre le projet EPR compte tenu des milliards qui y ont déjà été investis. Je ne pense pas qu'on puisse trancher cette question aujourd'hui, mais elle mérite d'être posée et de faire l'objet d'une évaluation indépendante avant de décider de démarrer le réacteur, parce qu'on sait qu'une fois qu'il est décidé et que du combustible a été chargé, c'est une installation nucléaire et le coût du démantèlement, quel que soit le fonctionnement du réacteur, devrait être supporté. Il faut le finir, mais sans mettre la pression sur les personnes qui y travaillent, si on veut faire du bon travail, il faut relâcher les taux et après il faudra en tirer le retour d'expérience pour pouvoir avoir un modèle de réacteur qui sera optimisé pour être le candidat à renouveler le parc. L'EPR n'est rien du tout. C'est un petit avatar dans le long chemin, je dirais, du nucléaire. C'est un petit avatar, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un réacteur nouveau, il est évolutif, c'est-à-dire qu'il a subi l'évolution positive des réacteurs actuels. Mais voilà. Par contre, ce qui se prépare, ce qui se trame dans les coulisses, c'est l'après. L'après où on va aller vers des pénuries d'uranium. Donc, C'est ce qu'on appelle la quatrième génération. Cette quatrième génération est en réalité la reprise améliorée de Superphénix, une filière abandonnée en 1997, car jugée trop coûteuse et non rentable. Le nouveau projet étudié par la France s'appelle Astrid. Il n'est encore que sur le papier et ne sera pas opérationnel avant 2030 ou 2040. Nous savons que les ressources naturelles pour produire de l'énergie, que ce soit les ressources en pétrole, en gaz, en charbon, mais aussi les ressources en uranium, sont en quantité limitée, on le sait. La France est un pays qui dispose de grandes réserves d'uranium appauvri, 250 000 tonnes. Les réacteurs de quatrième génération peuvent aussi brûler et recycler le plutonium. Et de cette façon, si on convertit tout ça en énergie à l'intérieur de réacteurs comme Astrid, on en a pour plusieurs millénaires de production d'électricité. Mais le plutonium est l'élément le plus dangereux qu'on connaisse sur la Terre. Il a d'ailleurs été inventé par l'homme, il n'y en a pas dans la nature. Il est plus dangereux du point de vue radioactif, il est plus dangereux du point de vue de la chimie, et il est plus dangereux du point de vue de la prolifération. C'est avec ça qu'on fait des bombes. Actuellement, il y a 70 tonnes de plutonium à La Hague, et avec 5 kilos de ce plutonium qui n'est pas de la bonne qualité militaire, on fait quand même une bombe. Donc on va au-devant de risques très importants. C'est un vrai choix de société. La civilisation du plutonium, c'est un vrai choix de société qui mériterait qu'on ait au moins un débat. Sauf que le plutonium est déjà utilisé comme combustible, sous le nom de MOX, dans certains de nos réacteurs. C'est dans cette usine à Marcoule, dans le Gard, site historique du nucléaire français, qu'il est fabriqué par Areva, dans des conditions de sécurité extrêmes pour les travailleurs. La plupart des opérations de fabrication sont automatisées, donc faites à distance, hein, depuis une salle de conduite comme celle-là. Les opérateurs ne sont pas en contact avec la matière dans les phases de poudre et de pastilles. Elles le sont dans les phases finales où la matière est confinée dans les gaines ou dans l'assemblage lui-même. Et là, on peut effectivement toucher le combustible pour les phases de contrôle des crayons ou des assemblages. Le travail le plus dangereux se fait à travers trois barrières de confinement, les unes derrière les autres, qui doivent éviter tout contact de la matière avec l'extérieur. C'est un système de poupées russes qui empêche toute dispersion de la moindre particule de plutonium. Si vous avalez un centième de microgramme de plutonium venant de circulant dans toutes ces usines joyeusement, vous avez probablement un cancer. Donc ça donne une idée, si vous voulez, de la dangerosité de ce corps, qui est considéré comme le corps le plus dangereux qui existe, à part qu'il n'existait pas avant qu'on fasse les ouaves avec le nucléaire. C'est clair que l'uranium enrichi que l'on utilise dans les réacteurs produit suffisamment de produits toxiques pour ne pas en rajouter une couche en faisant un MOX, en mettant 7 à 8% de plutonium qui va lui aussi fabriquer des fils comme le curium, l'américium, qui vont augmenter la dose de produits toxiques dans le combustible lorsqu'il va être déchargé du réacteur. Le MOX coûte plus cher à fabriquer qu'un combustible normal puisqu'on est obligé de faire sous boîte à gants ce qu'on fait en plein air dans l'autre cas. Mais en revanche, ce surcoût de fabrication est compensé par le fait que on n'a pas à acheter de l'uranium naturel et à payer des services d'enrichissement. Si bien que dans l'ensemble, entre l'uranium récupéré et réenrichi, le plutonium transformé en MOX, on peut économiser plus de 20% de combustible. C'est important, 20%. Même si un jour les progrès de la technologie nous permettent de recycler à l'infini une grande partie du combustible usagé, les installations nucléaires produiront toujours des déchets. Et il faudra bien les gérer. On a commencé à faire des réacteurs, on ne s'est pas posé la question des déchets. Ces problèmes de déchets, ces problèmes de démantèlement, ces problèmes de déchets du démantèlement sont devant nous aujourd'hui. Donc ils deviennent des problèmes majeurs. Il ne faut pas faire peser sur les générations futures la charge qui est issue des bénéfices que nous tirons aujourd'hui d'énergie nucléaire. Thank you. C'est à l'usine Areva de La Hague, dans la Manche, que convergent les combustibles usés des centrales nucléaires françaises et d'autres pays européens, ainsi que du Japon. Ici comme ailleurs autour des sites nucléaires, l'implantation de cette usine en 1966 a été une manne pour les communes avoisinantes. L'implantation du CEA à l'époque, l'usine de retraitement, UP1, a fait augmenter la population, évidemment. Donc effectivement, ça a été un boom, un des plus grands chantiers d'Europe pendant 15 ans. La population de 400 habitants est passée à une période donnée de l'ordre de 2400 habitants. Mais ça nous a apporté effectivement un confort sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan des emplois locaux, d'une façon très importante. On s'est dit, ce n'est rien. Et puis c'est devenu quelque chose de vraiment énorme. Le président Richard Nixon est en week-end quand il apprend la nouvelle. Il sait qu'elle comporte un risque politique. On va penser que les républicains posaient des micros pour espionner leurs adversaires démocrates. Nixon est inquiet. Cet incident ne doit en aucun cas compromettre sa réélection. Le président veut comprendre ce qui s'est passé. De retour à Washington, il interroge ses collaborateurs, à commencer par John Mitchell, son directeur de campagne. Richard Nixon. Richard Nixon a été élu président en 1968. C'est un conservateur qui déteste les communistes. Il faisait partie des accusateurs les plus virulents de la période du maccartisme. Nixon a gravi une à une les marches du pouvoir. C'est l'Américain moyen qui se hisse tout seul au sommet. Il aurait voulu être Kennedy, mais il est l'opposé, ni beau, ni riche, ni séduisant. Je l'ai entendu parler de gens comme Kennedy. Ils détestaient ces types nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Lui avait fait ses études au Whittier College en Californie. Il savait que ce n'était pas Harvard ou Yale, où ces fils de pute privilégiés envoient leur rejeton. Eh oui, il parlait comme ça. Sa carrière politique a le goût de la revanche. Pour Nixon, le monde se divise en deux. On est dans son camp ou contre lui. Il était persuadé que des petits groupes secrets passaient leur journée à comploter contre lui. Voilà donc un homme au pouvoir aussi immense que sa colère. Nixon tenait une liste de ses ennemis et les tout premiers étaient les journalistes. Nixon déteste la presse. Ce sont ses pires ennemis, puisque les journalistes fouillent. Et fouillent et ils trouvent. Dans l'affaire du Watergate, c'est la presse qui a tout fait basculer. Pam, ask Woodward and Bernstein to come in for a second. Come in. This is Bob Woodward. Is Carl coming in? Yeah. Deux journalistes du Washington Post sont devenus célèbres grâce à leur enquête. This is Carl Bernstein, who's the other member of the équipe formidable. La police leur a donné accès à un carnet d'adresses qui appartient à l'un des cambrioleurs. Deux lettres, deux H, attirent l'attention. Dessous, W et H. Les journalistes pensent que ça correspond à White House, la Maison Blanche. Un coup de fil, une secrétaire décroche, elle travaille bien à la Maison Blanche. Elle leur explique que Howard Hunt n'est pas là. Les deux lettres H correspondent donc à cet homme. Sa fonction n'est pas très claire, mais il travaille sous les ordres du chargé de sécurité de la Maison Blanche, un certain Charles Colson. Donc c'est assez simple de faire un lien entre la pose du micro, l'équipe qui a été commanditée pour le faire et des proches de Richard Nixon. La presse s'intéresse aussi au financement de la campagne. Les journalistes épluchent les comptes du comité pour la réélection du président. Ils découvrent que des enveloppes d'argent liquide ont circulé dans cet organisme. On parle même d'un fonds secret d'un demi-million de dollars. John Mitchell, le directeur de la campagne de Nixon, préside ce comité. Il dément toutes les accusations. Je n'en crois pas un mot, pour la bonne et simple raison que ni le président, bien sûr, ni personne à la Maison Blanche ou à la direction des comités de campagne du président n'est impliqué de quelque manière que ce soit. Le gros problème, c'est qu'ils avaient de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Un million par-ci, un million par-là, il y en avait tellement autour de cette campagne. Et la plupart du temps, l'argent était utilisé de manière stupide. La Maison Blanche a d'abord minimisé l'arrestation des cambrioleurs, mais au bout d'un mois, Richard Nixon est obligé de réagir. Il déclare à la presse qu'il est dans le camp de ceux qui veulent connaître la vérité. Il aurait même ordonné une enquête interne pour trouver les coupables. I can say categorically that his investigation indicates that no one on the White House staff, no one in this administration presently employed, was involved in this very bizarre incident. Le président des États-Unis ment. Il n'y a jamais eu d'enquête interne. Et Richard Nixon ne tient pas à ce que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Ce cambriolage lui paraît être un incident mineur, et donc mentir pour étouffer l'affaire, ça ne l'effraie pas. Le problème, c'est que dans ce choix du mensonge, il va aller très très loin. Et il ment tout le temps, sur tous les sujets. C'est sa stratégie la plus habituelle et très souvent la plus efficace. On a donc un président des États-Unis qui assure vouloir la vérité, et aussi des enquêteurs qui se sont immédiatement mis au travail. D'abord, les journalistes. Ils interrogent des dizaines de témoins. Ensuite, les juges, qui instruisent la plainte déposée par les démocrates. Et enfin, le FBI, car l'affaire relève de l'espionnage. C'est le comité pour la réélection du président qui attire l'attention des enquêteurs. À sa tête, l'ancien ministre de la Justice de Nixon, John Mitchell. Parmi ses adjoints, deux noms sont étroitement liés à l'affaire du Watergate. Howard Hunt et Charles Colson, qui ont été immédiatement renvoyés. John Mitchell, quant à lui, démissionne. La Maison Blanche pense ainsi couper les liens qui remontent jusqu'à elle. Cinq mois se sont écoulés. Le Washington Post ne lâche pas l'affaire. Le duo d'enquêteurs a acquis maintenant la certitude que l'espionnage du QG démocrate dans l'immeuble du Watergate n'était pas une opération isolée. Ils pensent que c'est toute la campagne électorale des démocrates qui a été sabotée par les républicains. Pour l'instant, ils rassemblent les pièces d'un puzzle dont le sens général leur échappe. Mais ils progressent vite, très vite grâce à leurs informateurs. L'un d'eux est une source secrète très haut placée. Un homme qui prend des risques énormes pour parler à la presse. Bob Woodward le rencontre au milieu de la nuit dans un parking souterrain. Un endroit discret pour des entretiens qui doivent rester secrets. Gorge profonde, c'est son surnom. Ne donne pas de nom pour ne pas se trahir. Ses révélations sont énigmatiques. Pour la Maison Blanche, l'enjeu du Watergate est beaucoup plus important qu'on l'imagine. Même le FBI ne comprend pas ce qui se passe. La CIA est impliquée. C'est une question de sécurité nationale. Les journalistes sont mis sur la bonne piste, mais ils n'ont encore aucune preuve. Voici une des pièces du puzzle qui leur manque. 2 ans et demi après son élection comme président, Nixon décide de constituer une équipe capable de mener des actions clandestines, d'exécuter des coups bas pour affaiblir ses adversaires politiques. Il en donne l'ordre dans l'avion présidentiel, le 27 septembre 1970. Il pense alors déjà à sa réélection. Richard Nixon voulait en savoir plus sur les démocrates. Il avait un besoin insatiable de collecter des renseignements politiques. Le président Nixon avait gagné de justesse la dernière élection. Il s'était promis, la prochaine fois, je ne me ferai pas élire avec aussi peu de voix. Il a donc fait toutes ces choses folles qu'aucune personne sensée n'aurait l'idée de faire. Nixon ne fait que reprendre des méthodes qui ont été celles du FBI ces 15 dernières années. Tout le monde est sur écoute. Les grandes figures de la vie politique, les journalistes, les militants pour les droits civiques et la Maison Blanche elle-même. On est dans un contexte extrêmement dur sur le plan justement de l'espionnage à la fois politique et de la vie privée. Il y avait des allégations, il y avait des rumeurs selon lesquelles le FBI et peut-être la CIA espionnaient les citoyens américains pour semer la discorde. Mais on n'avait aucune preuve tangible de ces opérations. Tout était secret. Thank you. Il nous parle de police parallèle. C'est beaucoup plus que le petit débordement individuel qui était la thèse officielle. C'est déjà très préoccupant et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un problème institutionnel. Car si effectivement la protection du président de la République échappait au ministère de l'Intérieur à l'état de droit, c'était inquiétant. Le ministre de l'Intérieur est donc immédiatement auditionné après les syndicats. Bonjour, je vais vous dire un petit mot. Un sourire et une apparente décontraction. Bonjour. On y va, on se rejoint si vous voulez. Bonjour. Qui cache mal la gêne du premier flic de France. Le constat accablant dressé par les syndicats a créé beaucoup d'attentes chez les sénateurs. Mais face à la commission, Gérard Collomb donne l'impression de découvrir l'affaire. Moi, je croyais que M. Benalla était policier. Compte tenu de ce qui se passe, moi j'en découvre chaque jour hein, sur les personnalités. Je lis les journaux comme vous et il y a toute une partie de l'histoire de M. Benalla que franchement je découvre de plus en plus. Eh bien, Monsieur le ministre de l'Intérieur, heureusement qu'il y a les journaux pour vous informer. Là, Gérard Collomb, vous savez, c'est la sagesse des trois singes. Hein, c'est j'ai rien vu, j'ai rien entendu et je peux rien dire. Voilà, donc c'est là aussi assez surréaliste. Bon, et mieux que ça, la thèse officielle, c'est que Benalla s'occupait de tout sauf de sécurité, et Gérard Collomb nous dit, oui, je les croisais de temps en temps, et je croyais qu'il était policier. Donc c'était complètement vraisemblable. C'est crédible un ministre de l'Intérieur aussi mal renseigné ? Non. Avec cette audition, c'est l'un des plus proches soutiens du président qui est mis en difficulté. Écoutez, je viens de faire toutes les déclarations, donc elles sont aujourd'hui enregistrées. Le même jour, Emmanuel Macron décide pour la première fois de sortir du silence. Il s'exprime face aux parlementaires En Marche, réunis pour fêter la fin de la session. Dans la vidéo publiée par l'Élysée, le chef de l'État assume toute la responsabilité de l'affaire Benalla. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. On voit cette scène et honnêtement, on est tous stupéfaits. Il y a un côté, comment dire, presque indécent. Il y a quelque chose dans cette intervention qui était plus choquante, qui était de dire finalement, les sénateurs, s'ils veulent quelque chose, qu'ils viennent me chercher. Tout en sachant que nous sommes strictement respectueux de la Constitution et qu'on ne pouvait pas le convoquer. Donc il y avait quand même une attitude de gamin provocateur, pris la main dans le sac et qui continue à la ramener. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le peuple du peuple. Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Allemagne. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 euros. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Alexandre Benalla, quoique bagagiste d'un jour, n'a jamais eu ses fonctions dans la durée. Mais c'est invraisemblable. Cette scène est totalement invraisemblable. On a un Macron qui fait le kéké. On vit mal dans le sens où c'est une forme de bras d'honneur. Deux jours plus tard, lors de déplacements officiels en Espagne et dans les Pyrénées, Emmanuel Macron est à nouveau interrogé sur l'affaire. Comme je l'ai dit, tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. Pas compris quand vous dites venez me chercher, vous adressez à qui? D'abord, soyez correct avec les gens, ne leur marchez pas dessus. Excusez-moi. Et ensuite, vous voyez, vous êtes très excité avec des sujets. Ça fait 2 heures, moi, je suis avec les gens. Vous êtes le seul à en parler. On perçoit qu'on est dans une drôle d'histoire. Parce que la proportion que cette affaire prend, et ce sera plus encore après, dans le comportement du pouvoir, est totalement disproportionnée. On voit pour la première fois le président de la République, au lieu de dire quelque chose, voilà, même d'un peu, pas forcément correspondant, pas forcément à ce qu'on attend, mais quelque chose. Bon. Oui, j'ai pris la mesure, etc., etc. Nous dire, voilà, à nous tous, tous les Français, allez vous faire voir, il n'y a pas de sujet, et Benalla est un type formidable. Là, on se dit, c'est quand même bizarre. Ces déclarations d'Emmanuel Macron attisent la curiosité autour des travaux de la commission d'enquête. Les patrons de la gendarmerie et de la police nationale sont auditionnés. Les sénateurs veulent comprendre qui a autorisé Alexandre Benalla à se rendre place de la contrescarpe. Car depuis le début de l'affaire, l'exécutif évoque un statut d'observateur qui permet à des personnes extérieures d'être présentes auprès des policiers pendant une opération de maintien de l'ordre. Mais il est impossible de déterminer qui a donné ce statut à Alexandre Benalla le 1er mai. Je n'ai jamais été mis au courant de la participation de M. Benalla, de M. Kraaz, dont j'ignore tout, ce jour-là. On a très vite senti que cette affaire était une patate chaude, et au bout de quelques auditions, moi je me souviens très bien d'être repassé en séance et d'avoir dit à certains de mes collègues, ok, on a compris, personne n'a l'intention de payer pour le voisin. Comment se faisait-il que les syndicats de police savaient tout et que la hiérarchie ne savait rien? Par ailleurs, au ministère de l'Intérieur, on est vraiment dans le royaume des édredons. Quand on essaie d'aller sur les vrais sujets, dire on n'a pas de réponse, on s'enfonce, on s'opère. Et on a l'habitude dans cette maison de mettre la poussière sous le tapis. Voilà. En fait, ils en savaient certainement beaucoup plus, ils ne pouvaient pas en dire plus, mais eux-mêmes étaient très gênés par la situation. Parce qu'on leur a mis quelqu'un dans les pattes, ils n'en étaient pas demandeurs de Benalla. Et en plus, ils ne pouvaient pas le balancer eux-mêmes, bien que très certainement, les images qui sont arrivées au monde le sont certainement venues de sources policières. Et nous dire un mot. Tous ces hauts gradés se renvoient la balle. Personne ne parvient à expliquer le rôle d'Alexandre Benalla. Pour les sénateurs, il apparaît de plus en plus que les réponses ne se trouvent ni à la préfecture de police de Paris, ni au ministère de l'Intérieur. Lors des auditions suivantes, les sénateurs veulent donc entendre les explications des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Premier convoqué, Patrick Strodin. Ce jour-là, le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron est face aux caméras, en pleine lumière. Une place très inconfortable pour cet homme habitué à la discrétion dans les coulisses de l'Élysée. Depuis les révélations du Monde, l'exécutif répète qu'Alexandre Benalla était un simple chargé de mission. Mais depuis quelques jours, on sait qu'il possédait un permis de port d'armes. C'est justement sur ce point que Patrick Strodin fait ce jour-là une déclaration clé. Bien, notre audition peut commencer. J'ai considéré, là aussi dans ma responsabilité de directeur de cabinet en charge de la sécurité du chef de l'État, qu'il pouvait être utile, dans ces circonstances de déplacement privé, qu'il y ait, dans l'entourage du président de la République, une personne qui ait un port d'armes, mais qui est habilitée à l'avoir. Selon Patrick Strodin, le port d'armes d'Alexandre Benalla était donc utile au dispositif de sécurité de l'Élysée. Deuxième élément qui apparaît avec cette audition, cela concerne la sanction de l'ancien chargé de mission. Après les révélations du Monde, l'Élysée avait assuré qu'Alexandre Benalla avait bien reçu une mise à pied de 15 jours avec retenue de salaire. Monsieur Benalla a touché, pour le mois de mai, son salaire intégral. En revanche, les 15 jours de suspension se feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2007. Honnêtement, on ne s'attendait pas à cette réponse. C'est-à-dire qu'on voulait avoir confirmation qu'il avait été sanctionné, voire même demander les fiches de paye, enfin quelque chose d'un peu précis. On ne s'attendait pas à ce qu'ils nous répondent de manière assez franche. Ben non, en fait, il n'y a pas eu de diminution de salaire. Lorsqu'on entend le directeur de cabinet nous dire ça, on a l'impression que, en fait, tout le monde balade tout le monde, quoi. Ça en a rajouté sur l'impression qu'en fait, cette histoire n'avait jamais été traitée sérieusement. On nous a fait croire qu'il avait été sanctionné. Moi, j'aurais préféré qu'on nous dise, écoutez, il ne l'a pas été. Il y a une affaire suivie par la justice. Monsieur Benalla explique qu'il s'en est pris à des délinquants. Il a peut-être tort, il a peut-être raison, la justice le dira. Et si ce n'est pas le cas, il sera sanctionné. Voilà, on nous disait ça. Là, on commence à construire devant nous un mensonge. Et d'un petit dysfonctionnement de l'État, on passe à la construction d'un mensonge d'État devant la commission d'enquête parlementaire. Avec la question de la sanction, un soupçon s'installe. La présidence de la République a-t-elle cherché à couvrir l'affaire? Pour en avoir le cœur net, les sénateurs en appellent à Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Convoquer au Parlement le plus proche collaborateur du président de la République, c'est extrêmement rare. Avec Alexis Kohler, c'est seulement la deuxième fois sous la Ve République que se tient une telle audition. Quand les les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigts. Quand l'omari changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller. Je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui quand je rapine you, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise, alors la vie est gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le potin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigts. Quand l'homard, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Bien, maintenant, je vous propose une petite revue de presse des nouvelles du Parlement européen. Un communiqué de presse. La France insoumise organise sa délégation au Parlement européen. Afin de mettre en œuvre nos engagements au Parlement européen, notre délégation sera représentée dans les principales commissions et occupera plusieurs fonctions importantes durant cette mandature. Manon Oubry a été désignée à la coprésidence du groupe de la gauche unitaire européenne. Avec Martin Schirdewan, dit Linke, plus jeune présidente d'un groupe d'histoire, de l'histoire du Parlement européen. Elle siégera par ailleurs dans la Commission des affaires économiques et monétaires, la Commission des affaires juridiques, dont elle assurera la coordination, ainsi que la Commission du développement DEVE. Younous Omarji a été élu président de la Commission développement régional du Parlement européen, une première pour un député ultramarin et pour la France insoumise. Il siégera également dans la commission du contrôle budgétaire. Forte de ses combats contre la précarité et l'ubérisation, Leïla Chabi assumera à mi-mandat la vice-présidence de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Elle siégera également au sein de la commission des transports et du tourisme. Emmanuel Morel sera en charge de la coordination pour le groupe GUE de la commission budget. Il siégera également dans la commission du commerce international, où il pourra notamment batailler contre les accords de libre-échange désastreux discutés au sein de cette commission. Il siégera enfin au sein de la commission des affaires étrangères. Anne-Sophie Pelletier poursuivra au sein de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs son combat pour la défense des services publics. Elle siégera également dans la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et dans la commission des transports. Enfin, Emmanuel Bompard assumera la responsabilité de chef de délégation. Il siégera dans la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, la commission de l'agriculture et la commission de l'environnement, de la santé publique et la sécurité alimentaire. Maison neuve vient de sonner, la maman gronde sa fils qui vient d'entrer, qui lui répond, il est pâle, un peu ivre, quoi j'ai 20 ans, je m'amuse, je veux vivre, la mère a peur, c'est pas la première fois, qui hante ainsi l'œil méchant, l'air narquois, qui fréquente-t-il sur ma des pas grand chose, de mauvaises femmes peut-être un sont la cause. Agir, elle le sait orgueilleux, pour le punir, elle lui dit malheureux. Tu n'es jamais qu'un employé, un train de misère, un salarié. Malgré tes habits du dimanche, tes joies et tes mains blanches. Pour jouer aux riches, il faut de l'argent, si te veux sortir de ta rang. Sans devenir rien qui vaille, travaille.